Chapitre 16e. Tous les poèmes de l'amour heureux, des possessions enfiévrées, des ivresses infinies, les romans de la passion, les folies du désir, les souvenirs qui brûlent, toutes les joies des tendresses voluptueuses ne valent pas, pour l'homme qui les compare, la fraîche idylle des amours printanières, des chastes amours de ses 20 ans. Olivier le ressentait, l'amour du jeune homme qui tremble devant la jeune fille qui rougit, amour timide, amour profond, semblable à ses premières journées de mai, où, dans l'éveil encore hésitant de tout ce qui fleurit et la voix de tout ce qui chante, toutes les forces vives de l'année montent comme une sève et grisent comme un vin nouveau. C'est l'amour vrai, ce poème éternel de la jeunesse. C'est l'amour sacré d'où naît la vie universelle. Les autres sont les amours troublés, traversés de colère, avec des cris amers et des souillures adorées. L'amour du jeune homme pour la jeune fille, l'amour de la jeune fille qui, de ses grands yeux purs, livre aux yeux profonds de celui qui l'aime le secret de son âme. C'est l'amour béni, instinctif et doux de l'être qui de sa joie fera son devoir, de son instinct fera sa vertu. Elle sentait en elle aussi, André, sans se l'expliquer, cette affection irraisonnée qui la poussait doucement vers Olivier, et n'osant pas lui donner le nom d'amour, ne sachant pas peut-être que c'était de l'amour, ou plutôt ne voulant pas se l'avouer à elle-même. Elle appelait ce sentiment de ce nom qui est la passion même de la femme, la pitié. Elle l'aimait et se disait qu'elle le plaignait. Il y avait en lui comme un orgueil souffrant, quelque chose de meurtri qui plaisait à la jeune fille. Elle était de ces sœurs de charité morale qu'une douleur cachée émeut aussi profondément qu'une plaie visible. Et quand cette grande jeune fille blonde regardait Olivier d'un air attendri, elle semblait tourner à demi vers un blessé qui resterait debout. Un blessé, oui. Certainement, il y avait une souffrance dans l'existence d'Olivier Giraud. André le demandait parfois à son père, mais Victor Hibert ne répondait qu'évasivement. Il ne savait pas, il ne croyait pas. Olivier était un peu triste, très fier, mais si sa fierté venait de son juste orgueil de brave garçon laborieux et pauvre, sa tristesse n'avait pas de cause, certainement non. Ses réponses eussent suffi à une autre qu'à André. Elle ne disait plus rien, mais elle songeait, et l'affection qu'elle avait pour Olivier grandissait en elle de tout le mystérieux prestige de l'inconnu. On avait beau dire, elle devinait, d'instinct, elle était certaine, que la vie d'Olivier était assombrie par quelques drames d'une intimité douloureuse, et cette conviction qui troublait la jeune fille l'attirait aussi. Si elle eût osé, elle eût tout demandé à lui, mais elle craignait de toucher à sa blessure pressentie. Elle n'avait pas le droit de le faire souffrir. Et ce sentiment de pitié qui la poussait, il pouvait le prendre pour de la simple curiosité. De la curiosité. Quand elle eût voulu lui dire « Confiez-vous à moi. Dites-moi pourquoi vous êtes triste. Le mendiant du pont de Sèvres n'avait-il pas raison? Ne suis-je pas un peu votre sœur ?» S'il était triste, c'est que le hasard les avait séparés. Elle savait bien cela, André. Mais avant même cette fuite soudaine, d'une brusquerie sauvage qui ne déplaisait pas à la jeune fille, Olivier avait souvent, dans le regard, une expression de souffrance vague, lointaine peut-être. Il ressemblait, cet homme qui avait eu une adorée mère, aux enfants qui n'ont pas eu d'enfance. C'est qu'il n'en avait pas eu en effet. C'est que, tout petit, il avait senti sur sa lèvre l'amertume d'une existence douteuse, plus morne qu'une existence de pauvre. Ah, comme il renfonçait en lui, dans sa poitrine soulevée par l'émotion, ses sanglots, ses soupirs, ou ses cris de colère, lorsqu'on parlait devant lui de ce Sylvain Ducret, qu'il connaissait bien, qu'il avait jugé, lui, dans l'implacable sévérité de sa conscience et de son droit. Sylvain Ducret. Il se rappelait les visites cruelles qu'une pauvre femme, toute jeune encore, très triste, faisait en le tenant par la main, lui, enfant, dans cette grande maison froide de la rue Caumartin, où tout Paris avait passé au mois de juin dernier. Il avait encore l'impression glacée qui lui tombait sur les épaules lorsqu'il entrait là, intimidé comme en une chapelle, dans cet appartement aux vitraux sombres où sa mère parlait bas, tout bas. Souvent, sur la banquette de l'antichambre, la jeune femme attendait longtemps, son petit garçon à côté, silencieux. Elle toussait beaucoup, déjà malade. La vieille Mélie Brunet lui demandait d'un ton de bienveillance hautaine « Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle Giraud ?» Elle répondait « Non, merci » et mettait son mouchoir sur sa bouche pour ne pas faire de bruit, car peut-être, Derrière quelqu'une de ces portes fermées, M. Sylvain Ducret était en affaires. Et chose étrange, à 8 ou 9 ans, ce nom de mademoiselle donné à sa mère atteignait l'enfant à la joue comme une insulte vague dont il ne se rendait pas bien compte. Pourquoi cette femme appelait-elle Madeleine Giraud, mademoiselle, lorsqu'au lycée de Versailles, tout le monde disait « madame » quand on parlait d'elle? Et pourquoi aussi, chaque fois qu'elle le menait voir M. Ducret, la pauvre chère aimée était-elle toute pâle? Y avait-elle dans les yeux des larmes quand elle redescendait les escaliers? C'est qu'elles étaient sèches, les entrevues avec cet homme vieux, enfoncé dans ce fauteuil à oreillettes d'où sortaient ses maigres poignets et sa voix creuse. Madeleine poussait devant elle Olivier intimidé. Le képi était tenu à 2 mains et elle lui disait, toujours du même ton tremblant, « Embrasse, monsieur Ducret !» L'enfant s'avançait de 2 pas, tendait vers la face dure de Sylvain sa lèvre rouge et sa bonne figure fraîche. Mais les doigts osseux du vieillard l'arrêtaient en chemin. Olivier sentait sur sa joue, sous prétexte de caresse, une petite tape légère et il entendait la voix dire du fond du fauteuil « Eh bien, on est-on content de ce garnement-là » Et ensuite, comme un refrain, « Surtout pas de bêtises, Madeleine, n'en faites pas un déclassé. Un ouvrier, s'il le faut. J'aurais même mieux aimé un jardinier, comme votre père, mais pas un déclassé. » Il ne l'appelait, lui, se disait l'enfant, ni mademoiselle, ni madame. Un jour, Madeleine Giraud avait répondu à Sylvain Ducret qui lui répétait « N'en faites pas un déclassé, j'en ferai un homme. » Elle était partie plus nerveuse, les yeux gros, toujours, Olivier s'en souvenait bien, mais la tête plus haute. Quelquefois, enfonçant le bout de ses longues mains sèches dans la poche de son gilet, Ducret en tirait 1 ou 2 pièces de monnaie blanche qu'il tendait à l'enfant, mais le bras d'Olivier restait immobile, le képi collé à la poitrine. Madeleine disait avec un petit tremblement dans la voix « Merci, il ne manque de rien. » Alors Ducroix riait « Peste, il est heureux, tant mieux pour vous, tant mieux pour lui. » Et ce rire creux faisait mal à Madeleine et faisait presque peur au petit. Elle ne voulait rien devoir, mademoiselle Giraud, à cet homme qui lui avait pris, volé sa jeunesse et sa vie. Elle n'avait pas 17 ans, une pauvre fille, timide, jolie, ignorante de sa beauté, des flambées de désir que ses yeux clairs allumaient chez cet homme au regard narquois, bizarre, presque méchant, qu'elle saluait respectueusement en disant « Monsieur ». Elle ne savait rien des coquetteries, des roueries des belles filles, lorsque Ducret venait autour d'elle plaisanter, tandis qu'elle travaillait au potager, au poulailler ou debout, riant, s'amusant des poussées et des pépiments des poussins, elle allait jeter de la pâtée et du grain aux poules. C'était la fille du jardinier. Plus de mère. Maman Giraud était morte dans la maison. Un brave homme de père, ancien employé de Trianon, qui ne voyait rien de la vie que ses rosiers, ses touffes d'arbres, le gazon de ses pelouses, et semblait plus fier d'un dahlia qui s'ouvrait que de cette madeleine qui poussait là comme une fleur vivante. Elle ne sortait jamais de la propriété de Sylvain Ducret à Bellevue. Elle n'avait en tête aucune amourette. Elle était heureuse comme cela, humble d'ailleurs, un peu sauvage, détestant les sauteries des jours de fête, les grosses joies où il y avait trop de monde, n'aimant que son père, qui n'aimait que ses plantes. Le pauvre homme mourut. On le ramassa, geignant, au pied d'un arbre qui l'émondait. On le porta sur son lit. Il avait la colonne vertébrale brisée. Madeleine le soigna avec des espoirs insensés de le sauver. Est-ce qu'on mourait comme ça? Il ne pouvait pas mourir. Quand on l'emporta dans la prison de planches, elle se jeta sur cette boîte et voulut la rouvrir avec ses ongles. On la crut folle. La fièvre cérébrale qui suivit aurait dû la tuer. Sylvain Ducret fit du reste soigner la pauvre fille avec toute la sollicitude qu'il eut mise à faire réparer un bibelot précieux. Il fut pour elle comme un parent dévoué. Il la consolait lorsque, se reprenant à la vie par cette espèce d'horreur physique qu'a de la mort la jeunesse, tout à coup, en songeant qu'elle était seule au monde, que son père n'était plus là, la pauvre enfant souhaitait de disparaître, d'aller le rejoindre, de ne pas guérir. « Voyons, voyons, Madeleine, c'est mal ce que vous dites là, c'est impie. » Il prenait dans ses mains sèches les mains moites de fièvre de la jeune fille, et il laissait tomber ses lèvres jusqu'à son front. Elle ne sentait même pas qu'il était là. Elle gardait d'ailleurs à cet homme une reconnaissance profonde pour le bien qu'il avait fait à son père, et elle se laissait aller à trouver que M. Ducret était bien bon. Passive, ignorante, accablée, elle ne se reprenait à revivre que pour être emportée d'une douleur dans une autre. Elle était devenue la maîtresse de Ducray, sans même s'être donnée, sans savoir. Tombant, en ignorant même la chute, elle se réveillait éperdue, se sentant mère et comprenant toute l'horreur de ce malheur nouveau. Sylvain Ducray la consolait encore. « Bah, qu'était-ce cela ? On ne le saurait pas. Il ferait élever l'enfant loin de là. On l'enverrait dans la Nièvre, au pays des femmes qui font métier du lait de leurs petits. Madeleine reprendrait sa vie accoutumée, et à Bellevue ou à Meudon, il y avait bien quelques braves garçons qui l'épouseraient. D'autant plus que M. Ducray promettait une dot. Il hochait la tête. Une dot convenable, très convenable. Alors il se passa ce fait singulier que cet enfant ignorante et peureuse, devant le calme ironique de cet homme, devint soudain une femme résolue, se sentant transformée parce qu'elle se sentait mère. Comment ? Parce qu'elle était une fille perdue, il fallait qu'elle devint l'épouse menteuse et lâche d'un honnête homme qui ignorerait tout, ou la complice d'un misérable qui se ferait en écu payer sa honte. Et parce que son enfant était né hors la loi, il fallait l'envoyer au loin, dans des fermes, un nourrisson où la mort emporte ses petits êtres au tas. Elle se révolta. Son instinct lui donnait une colère contre celui qui, froidement, lui proposait cette solution et ce marché. Elle quitta la maison, s'enfuit, révoltée contre Ducray, qui pratiquement dit « Bon voyage !» Elle savait coudre, elle se ferait couturière, et élèverait son fils ou sa fille, ce qu'elle avait fait, la vaillante. Avec le peu d'argent qu'elle tenait de son père, elle avait loué une chambre dans un faubourg de Versailles, acheté de pauvres meubles, et Olivier était né là, dans ce coin perdu d'une ville morte. Elle l'avait nourri elle-même, soigné elle-même, habillé elle-même. Cet être dans son berceau, ce gamin roulant dans la rue, cet enfant qui grandissait, c'était toute sa vie. Chaque changement dans l'existence de son fils lui donnait une joie. Elle était encore jolie. Les officiers la regardaient en passant. Un charron du voisinage, jeune, assez riche, lui avait demandé de l'épouser. Elle souriait, regardait le petit. C'était son mari, son enfant. C'était son ménage, son devoir, tout. Elle travaillait beaucoup. Des maisons de confection l'avaient adoptée. On lui gardait de la couture au couvent de Montreuil. Olivier pouvait aller au collège. Et lui aussi, farouche, appliqué à ses devoirs comme s'il eût deviné que chaque minute de son éducation coûtait une heure de labeur à sa mère, il travaillait bravement. Il sortait chaque année aux vacances, chargé de prix. Et Madeleine descendait les avenues, toute fière, avec cet enfant à la main, ses petits bras passés dans les couronnes de papier. C'est alors qu'elle conduisait Olivier à Sylvain Ducray, comme elle eût accompli un devoir triste. Elle songeait qu'elle avait bien le droit de vivre hors de la vie de cet homme, qui se souciait du reste d'elle aussi peu que si elle n'eût pas existé. Mais elle se disait que Ducray étant le père d'Olivier, elle ne devait point, par orgueil, empêcher ce riche de penser, un jour qui sait, à l'enfant pauvre. Sylvain l'aimerait peut-être, ce cher petit, si gentil, adoré d'elle et choyé. Pour Olivier, une visite à Sylvain Ducray était un supplice. Il avait froid dans cette grande maison triste. Il sentait que sa mère n'y entrait qu'en tremblant, et il voyait qu'elle n'en sortait qu'en pleurant. Le sens paternel manquait à Ducray. Il recevait sèchement ses visites officielles. Il semblait tout juste s'intéresser au petit comme un pauvre qui mendiait. Avec cette vision étrange, cette divination qu'ont les enfants, Olivier lisait clairement dans cette âme d'égoïste, fermée à secret, comme sa caisse. Les ironies et les rires gutturaux de cet homme l'irritaient. « Je n'aime pas, Monsieur Ducray, » disait-il à sa mère en fronçant ses sourcils rudes. « Tu as tort, » répondait Madeleine, « il faut l'aimer. Pourquoi ?» Elle hésitait un moment. « Parce qu'il est meilleur qu'il n'en a l'air. S'il est bon, pourquoi te fait-il pleurer ?» En grandissant, Madeleine remarquait combien Olivier ressemblait à son père, à elle, ancien troupier devenu jardinier, et brave et bon et d'un courage. L'enfant, dans sa tunique serrée, avait l'air d'un petit soldat. Il enlevait d'ailleurs tous les prix, marchait en avant de sa classe. Si Madeleine eût pu le pousser, il serait allé loin, comme elle disait, mais elle devenait bien faible. Quoique jeune encore, elle s'affaiblissait, toussait. Elle avait passé trop de nuits, la poitrine rentrée, cassée en deux, sur sa couture, pour élever le petit. Il fallait qu'elle travaillât moins. Le médecin disait « Il faudrait qu'elle ne travaillât plus du tout. » Olivier entendit. « C'est bien, » dit-il, « à mon tour maintenant. » Chez Ducret, bien souvent, il avait rencontré Victor Ribert, la plupart du temps avec cet enfant qu'on appelait André. Il savait que M. Ribert dirigeait une maison de commission. Il était sûr que cet homme, qui paraissait bon, qui lui plaisait, avait quelque sympathie pour lui. Il alla tout droit à lui. « J'ai 16 ans. J'ai besoin de faire vivre une bien-aimée créature que vous connaissez. Donnez-moi ce que vous voudrez. Je vous apporte, moi, tout mon dévouement et tout mon zèle. » Et dès lors, Olivier Giraud avait été, chez Victor Ribert, comme l'enfant de la maison. Il était là, devenu homme, dépensant dans ce labeur borné des énergies intellectuelles et des facultés de premier ordre. « C'est dommage, » disait parfois Ribert lui-même, en le regardant. « Quoi, dommage ?» répondait Olivier, qui comprenait bien. « Est-ce qu'il n'y a pas assez d'avocats de hasard, d'écrivains de rencontres, de bohèmes de tous états ? Quand on se mettrait à travailler sans sortir de sa sphère, où serait le mal ? D'ailleurs, sans le courage et les sacrifices de ma mère, je labourerais peut-être la terre quelque part à la journée, tandis que je suis un monsieur. Tout est bien, allez, monsieur Ribert. Et si je vous suis utile, je suis content. » Il pensait peut-être aux recommandations de Sylvain Ducret. Il faut en faire un ouvrier. Le mot ne le révoltait pas. Ce qui l'irritait, c'était la froideur égoïste du vieillard. Il éprouvait, avec l'âge, contre Ducret, un sentiment de rancune d'autant plus violent que Sylvain, à force d'entendre Ribert louer cet Olivier, dominé plus d'une fois par la raideur polie mais hautaine du jeune homme, se sentait pris d'un paradoxal désir d'attirer à lui cet enfant. Après tout, il n'avait pas de famille, Ducret. Ses neveux et ses nièces, guignant son héritage, cela ne comptait pas. S'il se choisissait pour ses vieux jours un appui matériel, une sorte de secrétaire fidèle, de commis dévoué, tout à ses ordres, Olivier était honnête jusqu'au donquichottisme, une part d'or et intelligent. Pour remplacer les jambes absentes, l'énergie physique de Ducret, ce factotum, ce trottin de toutes les heures, était une acquisition excellente. L'ancien viveur avait en outre une soudaine vanité sénile. Il ne lui déplaisait point que de toutes ses aventures passées, il lui resta maintenant un enfant, et le squelette se mettait à rire. « Il doit y en avoir d'autres de par le monde, mais puisque j'ai celui-là sous la main... » Il fit donc venir Olivier chez lui. Il lui proposa une situation qui pouvait être une fortune, et comme le jeune homme résistait, bien résolu à ne pas vivre dans ce milieu sinistre, le vieux Sylvain ajouta « J'ai autre chose à te dire, quelque chose de grave, de décisif. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je t'aimais tant ?»« Non, » dit Olivier froidement, sans même sourire de cette bouffonnerie cruelle. « C'est que je suis ton père, mon garçon. »« Ah !» fit Olivier. Il sentait le parquet tournoyer sous ses pieds. Il avait devant lui la figure pâle de sa mère, cette martyre. Il avait des envies de crier à cet homme. « Vous mentez. Et si vous êtes mon père, comment avez-vous condamné ma mère à la pauvreté, vous, riche, odieusement ?» Très pâle, les ongles enfoncés dans la paume de ses mains, il ne dit rien. Il eut la force de ne rien répondre. « Eh bien, Olivier, veux-tu vivre avec moi, en tête à tête, veux-tu ? » « Oui, » répondit fermement Olivier Giraud, « à une condition, c'est que vous épouserez ma mère. » Vraiment, le vieux Ducret le crut fou, totalement fou, ce garçon. Épouser, lui, Madeleine Giraud, épouser à son âge la fille de son jardinier, il voulait rire, Olivier. « Tu plaisantes, » commença le vieux. Olivier l'interrompit brusquement. « Je vous demande pardon, » dit-il. « C'est vous qui avez plaisanté, je ne suis pas votre fils. Je m'appelle Olivier Giraud. « Je suis le fils de Madeleine Giraud. Je sais que j'ai une mère, que je la respecte, que je la vénère, que je l'adore. Quant à mon père, s'il est mort ou vivant, peu m'importe. Je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître. Je ne veux pas qu'on m'en parle. Adieu, monsieur. » Il laissait Sylvain Ducret stupéfait, mais furieux d'une de ses rages nerveuses, d'une de ses colères dont il devait mourir, la poitrine crevée dans sa carcasse sinistre. Jamais Olivier n'avait, depuis lors, revu cet homme qui lui avait dit « Je suis ton père » et à qui il se reprochait presque de n'avoir pas plus violemment jeté à la face, comme un châtiment, toutes les souffrances qu'avait supportées l'abandonné. Elle était malade à mourir, la pauvre femme, frappée à mort chaque jour, s'affaiblissant, entourée des soins de femme de son fils, ce rude Olivier qui redevenait tout petit, tendre, câlin à côté d'elle, et soigné aussi par cet André qui penchait sur l'oreiller de la malade ses beaux cheveux blonds, son visage doux, et lui souriait. « Vous êtes ma sœur de charité, » lui disait Madeleine de sa voix faible. C'est un état que j'aimerais, répondait André. Olivier ne pensait plus à Sylvain Ducret. Il ne voulait plus y penser. Au chevet de la mourante, toutes ses colères lui seraient revenues. Tout bas, parfois, ses lèvres fiévreuses sur la joue ou la main du jeune homme, la mère murmurait pourtant. « Tu sais, Olivier, monsieur Ducret, il faut pardonner. » Olivier frémissait et répondait. « Ne songe pas à ça, ne songe qu'à guérir. »« Ah, si l'on guérissait quand on veut, » disait Madeleine. « Est-ce que tu crois que c'est bien gai, mon pauvre cher enfant, de te quitter, toi ?» Et un matin, après une nuit d'angoisse, ou vainement, avec des élans affolés et des révoltes contre le sort, il avait disputé la chère créature à l'agonie. Olivier s'écroula devant le lit où Madeleine Giraud était morte. Il pleura longtemps à genoux et à côté de lui, André priait. « Chère adorable fille, cet André, il l'aimait déjà. » Il allait l'adorer maintenant d'un de ces amours qui emplissent une existence. Il avertit laconiquement M. Sylvain Ducret de la mort de l'humble femme disparue. Sylvain Ducret ne vint pas aux funérailles. Olivier en fut presque satisfait. Il lui semblait voir le bourreau suivant sa victime jusqu'au cimetière, après le supplice. Sylvain écrivit une lettre sèche comme les phalanges de ses doigts et que le fils de Madeleine Giraud déchira. Dès lors, Olivier ne parla plus jamais de Sylvain Ducret. Quand il apprit sa mort, il l'accompagnait jusqu'au bout, par devoir, mais sans avoir cet instinct sentiment de déchirement que c'était son père dont la bière était là, sous le drap noir. La ruine de Victor Ribert l'eût plus ému que cette mort. Ce sont ceux qui vous donnent leur vie à eux et non ceux qui, par hasard, vous donnent la vie, qui sont la famille de la chair et de l'esprit. Et Ducret mort, il ne venait même pas à la pensée d'Olivier qu'il pût avoir une part quelconque dans l'héritage de cet homme dont il était le fils. Comme il refusait, enfant, les pièces blanches que lui offrait le vieux, il méprisait cette fortune qui, venant à lui, lui semblait comme le paiement des agonies de Madeleine Giraud. D'ailleurs, si Olivier en croyait son instinct, Sylvain Ducret devait le haïr comme lui le condamnait. Jamais l'égoïste despote ne devait avoir oublié ce que le jeune homme lui avait dit brutalement face à face. « Il ne se sentait pas plus mon père que je ne me sens son fils, » pensait Olivier. Un seul détail dans l'inventaire de la succession avait un moment troublé, presque ému, le fils de Madeleine. Cette dent de lait conservée au fond d'un de ses tiroirs avec une sorte de religion du souvenir qui semblait jurer avec la sécheresse même de Ducret. Une de ses dents de lait à lui, Olivier. Et il s'imaginait sa mère envoyant, apportant la première dent de l'enfant à ce père qui n'avait entendu ni les premiers cris du petit ni surpris ses premiers sourires. Et comme toujours, Madeleine était entrée là en tremblant, était sortie en pleurant, pauvre femme. Pourquoi, cependant, le vieux Ducret avait-il gardé pieusement cette dent de lait? Peut-être un attendrissement passager, une émotion, un remords. S'il a pensé un jour, un seul jour, à ma mère en pensant à moi, songeait Olivier, je lui pardonnerai, comme elle le voulait. Olivier frissonna un soir qu'Émile Guillemard racontait chez lui, devant le jeune homme et Raymonde, comment et pourquoi, lui, à qui on ne la faisait pas à la pitié, était généreux à sa manière. Chaque fois qu'il allait à la bourse, les jours de grosse crise, Guillemard était bon à couper au couteau. Il donnait aux mendiants qu'il rencontrait, à tous. Un fétiche comme un autre, ça porte bonheur. Après la bourse, il ne donnait plus. « Nous avons tous nos fétiches, » ajouta Guillemard. « Ainsi, ce satané Ducret, eh bien lui, il me l'a souvent dit, c'est ridicule, mais son fétiche à lui, c'était la dent de lait d'un crapaud qu'il avait eu, étant étudiant sans doute. » Et qui était mort. Du reste, on l'a retrouvé, la dent. C'est cette fameuse dent qui a tant intrigué Chenard et Auboin. Pas joueur, ces notaires, ils auraient deviné. Pauvre Madeleine. La première dent de son fils servait à donner confiance au tripoteur, à ce machinateur de coups de bourse. Et dès lors, Olivier ne songea même plus à Sylvain Ducret, voyant passer devant lui ce flot d'argent laissé par cet homme, heureux que cette fortune allât à Ribert et à André, la consolation de la mourante, l'adorée créature de ses rêves de 20 ans. Oui, bien heureux. Et se disant que maintenant qu'il n'avait plus le droit d'aimer André si riche, il la regarderait toujours de loin, dans le rayonnement de sa beauté, la joie de son bonheur nouveau, il la chérirait encore, et encore elle serait pour lui le charme rêvé, la bonté, l'amour le plus profond, le pur, exquis et pénétrant amour de l'être qui se donna jamais pour celle qui se livrera pour toujours. L'amour des 20 ans, l'amour des amoureux, l'amour qui n'a pas d'orage, comme les passions de l'été, mais qui a des larmes et d'amères larmes, comme les avrils ont des pleurs. Seulement il ne le dirait pas, il ne dirait rien, à personne, à personne. Seule la morte couchée là-bas le savait, et lui en parlait tout bas comme si elle eût entendu. Seule Madeleine endormie avait le secret d'Olivier. Et André ?